Pour moi, elle a toujours 20 ans, le corps bronzé et les seins blancs. Avec ses yeux d'un bleu profond, elle n'aimait qu'une seule chanson, celle de Lennon et McCartney. Yesterday. Pour encore mes nuits sans âme, soleil d'aurore et pluie d'orage, comme un mirage au long miroir de ma mémoire. C'est une petite mélodie qui résonne encore aujourd'hui, un myosotis que les années n'ont pas fané. Pour moi, elle a toujours 20 ans. Je suis ce jeune homme hésitant qu'il aime et n'ose pas lui dire, et qui seulement pour le plaisir lui joue sans espoir de succès. Yesterday. Pour moi, elle a toujours 20 ans. Se souvient-elle de temps en temps de cet ami amoureux fou qui, sur une plage du Lavandou, timide et tendre l'attendait. Yesterday. Yesterday. Yesterday.